Roba. Amigo. Amigo. Vini Carlos. Amigo. Vini a comida até. Jean-François Ndengue. Vincent Gomez, Alex. Tuma. Amen du Bakayoko, l'homme du peuple. Ma mère photo. Où que tu m'en. Quand c'est comme mon cœur. Quand est-ce que c'est. Écoutez. Écoutez. Mama, come on, let's go. tourner. Tourner. Allez tourner, tourner. Allez tourner. Adore ton bout de bâti la moina. Allez tourner, tourner, tourner, tourner vite, maman. Tourner. Allez tourner. Hugues Henri, colonel, c'est le dirigeant, c'est le commandant, il n'est que le bâtiment, Louis Blaise Londolet.